الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله. Alors, on s'était arrêté sur le livre. Donc, le dernier sujet qu'on avait fait était concernant Babou Fadilat al-Adhan. Le chapitre sur les bienfaits de l'Adhan. Maintenant, on va voir Babou Sifat al-Adhan. Chapitre 2, les caractéristiques, description de l'Adhan. Donc ce livre, c'est un livre, encore une fois, voilà, de l'imam al-Nawawi. Je ne vais pas revenir dessus, à refaire encore une fois un peu sa biographie, mais qui il est, à quelle époque, et ainsi de suite. Vous n'avez qu'à écouter les cours que j'ai déjà, alhamdoulilah, qui ont été enregistrés. On revient souvent sur ces sujets-là. Sur ce point-là, parce que c'est très important de savoir en fait les savants de l'islam, quelles sont les autorités reconnues et répandues dans la croyance et dans la religion musulmane. Et bien sûr, c'est qu'il y a eu une baraka dans ce qu'ils ont fait, et du coup Allah a fait en sorte que leurs travaux comme on appelle ça, soit pris comme base et comme source. Alors, Bab Sifatus Salat, Sifatul Adhan, le chapitre du la description de l'Adhan. I'alam anna alfadhu mashhuratun wa tarji'u 'indana sunnatan wa huwa annahu idha qala بعالي صوته الله أكبر. يعلم أن ألفاظه مشهورة. Sache que les termes qui sont utilisés dans l'Adhan sont connus et reconnus, et je pense que même si tout le monde ne saurait pas le dire correctement, vraiment dans l'ordre, il connaît à peu près les mots utilisés. D'accord. وَتَرْجِعُ عِنْدَنَا سُنَّةً وهو انه اذا قال بعالي صوته et son son tarji', c'est-à-dire ce qui a été authentifié et corrigé, c'est les termes ou les mots qui ont été qui sont utilisés dans l'Adhan, et il a dit indana sunna, c'est une sunna chez nous. Quand il dit ashabuna, l'imam en question qui a écrit le livre, il parle de chez nous ahl al hadith, les gens du hadith. Donc il y a la science religieuse, elle est divisée par différentes sciences, et là en l'occurrence c'est la science du hadith, parce que concrètement ce livre ne traite que des hadith qui sont relatifs aux évocations. Donc, وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ بِعَلِي صَوْتِهِ, et c'est ainsi lorsqu'il le récite ou lorsqu'il le lit avec une voix élevée, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. قَالَ سِرًّا بِحَيْثُ يُسْمَعَ نَفْسَهُ وَمَنْ بِقَرْبِهِ وَمَنْ بِقَرْبِهِ. Donc normalement il doit dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. قَالَ سِرًّا بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ بِقَرْبِهِ. C'est-à-dire qu'il doit réciter d'une manière, on va dire, à non plus très très forte, dans le sens il doit s'entendre lui et ceux qui sont autour de lui. Ou même biqarbihi, ceux qui sont autour de lui. Ensuite, il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu al il le dit deux fois. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. ثم يعود الى الجهر واعلاء صوته. En fait non. Ses premières paroles, en fait, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, il doit le dire doucement. Ça veut dire, en fait, il doit le dire juste que lui l'entende et ceux qui sont tout autour de lui. Ensuite, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Donc ça aussi, il le dit à une voix vraiment basse autour de lui. ثم يعود الى الجهر واعلاء صوته. Ensuite, il revient à réciter avec une voix beaucoup plus forte. اعلاء صوته, et il augmente le son, enfin le volume de comment il va réciter. Au début, il va réciter doucement de fait que lui l'entende et ceux qui sont tout autour de lui, et ensuite la deuxième fois il va réciter plus fort. Ensuite ashhadu an la fayaqul, et donc il dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ok, donc voilà l'adhan normalement comment il doit se faire. Et là on voit encore une fois une différence dans l'adhan. Attention, ça ne veut pas dire que... Ah oui. Alors là, ça ne veut pas dire que... Ah, excusez-moi. Ça ne veut pas dire que les adhan qui sont faits aujourd'hui, ils ne sont pas bons, ils sont faux, et ainsi de suite. On sait qu'il y a plusieurs madhhab, plusieurs écoles, et en fonction des écoles, il y a plusieurs manières de le faire, c'est-à-dire dans les termes qui sont utilisés. Par contre, il y a différentes... façon en fonction des écoles. On sait que dans l'école de, par exemple, l'imam Malik, c'est ce qu'on voit justement normalement dans les pays du Maghreb. On voit que presque une heure avant à peu près, hein, ils font je parle de l'adhan de l'Fajr, hein, pour que tout le monde le suive. On l'entend une heure avant, et ensuite juste au moment bien sûr de l'adhan réel, ils refont l'adhan. Donc en fait, il y en a deux. Et ça, c'était connu. Ça veut dire que cette manière de faire l'adhan, elle est connue et répandue. Parce que sinon, elle n'existerait pas. Et ça, en fait, ce premier adhan, c'est plus pour préparer les gens. Préparer les gens à ce que, voilà, c'est bientôt l'heure de la prière. Et dans certains pays, entre le premier adhan et le deuxième adhan, il y a des invocations, il y a des récits, des hadiths. Subhanallah, moi je me rappelle à un moment donné, je souhaite à tout le monde ce bienfait. De toute façon, l'urgence dans laquelle on est au jour d'aujourd'hui, ça sera une question de... ou pour ou contre la personne. Et donc en Égypte, moi en l'occurrence, quand j'étais en Égypte, subhanallah, pendant l'Aden, enfin le premier Aden, parce que là-bas aussi pareil, il faisait deux Aden, il recitait des versets ou des fois des hadiths et ainsi de suite. Ce moment-là, c'est vraiment un autre décor, quoi. Tu sens ta foi et tu sens ta religion et ta pratique. Et donc, dans certains endroits et dans certaines écoles, comme par exemple la Hanafiya, dans les pays plus du côté du Pakistan, de l'Inde et ainsi de suite, c'est le madhab de l'imam Abu Hanifa. Mais c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont des textes qui ont des textes qui ne leur donnent pas cette précision-là. Et ça, on sait très bien que c'était beaucoup pratiqué dans le Médina. Et de là où l'imam Malik, justement, est sorti et a vécu. C'est à Médine. Donc, التثويب أيضا مسنون عندنا، وهو أن يقول في الأذان في أذان الصبح خاصة بعد فراغه من حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. Donc ensuite il dit là en fait ça parle de Adhan de al-Fajr. Donc dans l'Adhan de al-Fajr, il va préciser une mention après avoir dit Hayy al-Falah, Hayy al-Salat. Il va dire As-Salatu khayrun min al-Nawm, As-Salatu khayrun min al-Nawm. La prière est meilleure que le sommeil. وقد جاءت الأحاديث بالترجيح والتثويب وهي مشهورة. Ça, c'est plus dans la science du hadith. Il a dit qu'en gros, il nous est rapporté dans les hadiths de telle et telle chose. وعلم أنه لو ترك الترجيح والتثويب صح أذانه وكان تاركا للأفضل ولا يصح أذان من لا يميز ولا المرأة ولا الكافر ويصح أذان الصبي المميز. Donc, ولا يصح أذان من لا ولا يصح non excusez-moi j'ai oublié une partie de traduire. Donc en fait le fait de tarji' ou tathwib, le fait de réciter une partie à voix basse comme on l'a cité au début et l'autre partie à voix haute, celui qui ne le fait pas, il a délaissé un bienfait. Il n'a pas commis un péché, il n'a pas de mauvaises actions, et ainsi de suite. C'est juste qu'il n'a pas profité de cette action-là. وَلَا يَصْلِحُ الْأَذَانُ مَنْ لَا يُمَيِّزُ. Et l'Aden n'est pas considéré ou n'est pas pris en compte pour celui qui n'a pas l'aql, c'est-à-dire التَّمِيز, c'est de faire la part des choses, d'avoir une raison saine, voilà. التَّمِيز, c'est d'avoir la raison saine, ça vient de يُمَيِّز. C'est de faire la différence entre le mal et le bien. C'est-à-dire, son cerveau, son esprit, il est sain. Donc, il n'est pas autorisé pour celui de cet état-là. Donc, ça veut dire, Al-Majnoun, il ne peut pas faire l'Aden. Celui qui a une déficience mentale, il ne peut pas faire l'Aden. Celui qui ne sait pas faire la part des choses entre le bien et le mal, ainsi de suite, il ne peut pas faire l'Aden. Ou du moins, son Aden, même s'il le fait, il n'est pas valide. Wala al-mar'atu. La femme non plus n'a pas le droit de faire l'Aden. وَلَا الْكَافِرُ ni le mécréant, il n'a pas le droit de faire l'adhan. وَيَصِحُ أَذَانَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزِ et l'adhan de l'enfant est valable si il fait la part des choses, c'est-à-dire si il a le tamiz. Vous avez compris le mot tamiz, hein? Tamiz, je vous ai dit c'est de faire la part des choses, en fait c'est d'avoir le discernement, voilà. D'avoir le discernement. La personne sait faire le discernement. Le discernement entre le bien et le mal. D'accord? Parce qu'on sait que voilà, il y a des enfants. Par exemple, là, on parle de l'enfant. Sabi, c'est un enfant. On sait que l'enfant, normalement, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de puberté, il n'est pas tenu de respecter les règles religieuses. C'est-à-dire que s'il les fait, c'est tant mieux pour lui, il faut le faire comme ça, il a pris une certaine habitude, d'accord, mais s'il ne le fait pas, il n'a pas de péché. Par contre, ça va être dur, une fois qu'il va être grand, de lui faire, de l'amener à pratiquer et d'adorer Allah, d'accord. Donc, le sabi, l'enfant, a la capacité, ou du moins, il est valide, s'il a le discernement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de raisonné, c'est quelqu'un de mûr, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de... Voilà. Pardon. Et si le mécréant fait l'adhan et qui fait la shahada, كان ذلك إسلاما على المذهب الصحيح المختار. Il est ensuite s'il fait l'adhan et ensuite il fait la shahadatayn, son islam est valide et la shahada et l'adhan est valide selon l'avis et selon les madhhabs. Donc il est authentique, c'est-à-dire son témoignage إيه الأذن. وقال بعض أصحابنا nos compagnons dans la science du hadith, ou les gens nous semblables dans la science du hadith, ashabina, comme je l'avais dit, c'est un terme pour dire les gens, les savants du hadith. La yakunu islaman, wa qala ba'd ashabina, parmi certains des savants du hadith, ils disent, il n'est pas musulman. Enfin, il n'est pas soumis, ou son islam n'est pas accepté. Wa la khilaf annahu la yasihu adhanuhu. لأن أوله كان قبل الحكم بإسلامه. Il n'y a pas de divergence, ou du moins ولا خلاف أنه لا يصح أذانه. Il n'y a pas de divergence que son adhan n'est pas valide. لأن أوله كان قبل الحكم بإسلامه. Parce que son statut était, en fait, à la base, il n'était pas musulman. Il a dit, si on reprend l'exemple, il a dit, si le mécréant fait l'aden, et ensuite, donc il fait l'aden d'abord, et ensuite il fait la shahadat, il y en a certains, ils ont dit qu'il est accepté. Il y en a d'autres, ils ont dit qu'il n'est pas accepté, parce que la première des choses sur laquelle on doit se baser, c'est sur quoi il était. Et sur quoi il était avant, en son islam, il n'était pas musulman. Pourtant, il a fait l'aden. Donc ça, c'est un avis. Donc là, on a deux avis. Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. وفي الباب فروع كثيرة مقررة في كتاب الفقه ليس هذا موضوع إرادها. Donc il a dit dans par rapport à ce sujet là qui fait partie des branches, il a été développé par la plupart des fuqaha, des savants du fiqh, et c'est pas le sujet. Et il a dit, donc on va s'arrêter là, parce que c'est pas notre sujet de diverger, ou d'apporter les divergences, le pourquoi du comment. Encore une fois, c'est ce que je dis, le but c'est, même s'il amène des avis, le cher, le but c'est juste de comprendre et de voir le bienfait de ce qu'on fait comme adoration, les invocations du matin, du soir, à l'adhan, à l'iqama, avant la prière, après la prière, quand on a peur, quand il y a un défunt, comment les invocations à faire, celui qui a un enfant, celui qui va se marier, et ainsi de suite. Donc ça, le livre, il traite plus des invocations d'une manière générale qui tournent autour de la vie du croyant. Abu Sifatul Iqama. Je vais voir si les sujets sont pas trop longs. On va pas le faire. On le fera la semaine prochaine, Inch'Allah. Le prochain sujet, c'est qu'est-ce qu'il y a après l'Adhan. Question à tous ceux qui répondent. À tous ceux qui sont présents. Qu'est-ce qu'il y a après l'Adhan? Qu'est-ce qu'on a après l'Aden? Essayez de faire vite, comme ça on attaque le livre, Inch'Allah. Et enfin, pour vous, surtout, pour pas que je vous prenne trop de temps. Qu'est-ce qu'on a après l'Aden? Al-Iqama, na'am, al-Iqamatu. C'est ça qu'on a après l'Aden. Après l'Aden, certes, on a des dua qu'on doit faire, et ainsi de suite. Ça, je sais pas si on va le voir dans ce chapitre-là, parce que, en fait, c'est pas spécialement des dua qui ont été codifiés, contrairement à ce qu'on a là. Là, c'est vraiment codifié. On sait qu'on doit le faire comme ça et pas autrement. Tandis que l'Adhan, tandis que les invocations entre l'Adhan et l'Iqama, on n'en a pas de codifié. Tu peux faire tout ce que tu veux comme invocation. D'accord? Donc, effectivement, on a les... Donc, Inch'Allah, on s'arrête ici pour dimanche, Inch'Allah. Là, ça sera le prochain sujet. Et encore une fois, ah oui, il y a donc deux rak'at surrogatoires avant aussi. En fait, même plus, il n'y a pas de limite en fait de rak'at. En fait, les prières surrogatoires, on n'a jamais de limite. Maintenant, si on veut faire des prières surrogatoires qui sont légiférées, ou du moins qui... Oui, on sait que c'est un moment... Donc, je disais par rapport aux prières, en fait, entre l'Adhan et l'Iqama, elles sont pas vraiment codifiées en soi, dans le sens où on sait qu'il faut les faire, on sait que c'est bien de les faire, on sait qu'ils le faisaient, et par contre on n'a pas spécialement de recommandations. Parce qu'en fait, pendant l'Adhan et l'Iqama, tu peux tout faire. Parce que c'est un moment où Allah il exauce comme on l'a dit dans d'autres cours, le moment où Allah exauce spécialement et particulièrement les invocations. Et il y a entre l'Adhan et l'Iqama. Donc entre l'Adhan et l'Iqama, tu peux par exemple faire des du'as, juste faire des du'as, pas obligatoirement de lever les mains aussi. Tu peux faire des du'as, tu peux faire des invocations d'une manière générale, par exemple les invocations, par exemple là on sait que généralement al-Maghrib, c'est entre le Maghrib et l'Isha, bon tu peux être à la mosquée ou quoi, bah tu fais tes invocations par exemple du soir, à ce moment-là. Par exemple, tu peux, par exemple, si tu étais en train de, si tu es dans un programme de Hifz al-Qur'an ou de Qira'at al-Qur'an, pendant l'Adhan et l'Iqama, tu lis le Qur'an. Pendant, ou sinon, tu peux faire des rak'at. D'accord? De toutes les façons, c'est, toutes ces adorations, comme on l'a déjà expliqué, comme le but de l'évocation d'une manière générale et de ce livre-là, en fait, l'évocation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à travers cette action-là, tu demandes quelque chose indirectement à Allah. Indirectement, tu le demandes. Donc, quand tu vas lire le Coran, à ce moment-là, pendant l'Adhan et l'Iqama, pourquoi tu lis en fait? Est-ce que tu lis comme ça ou non? Il y a une intention derrière. D'accord? Donc, en fait, c'est pour ça que toute adoration est bénéfique et à faire pendant ce moment-là. Et après, c'est sûr que les savants, ils ont dit que la meilleure station, la meilleure posture du musulman, c'est lire le Coran tout en étant en prière. Que là, tu réunis tout. Certes, la prière est préférable à ce moment-là. Il n'y a pas de limite. Tu peux en faire autant que tu veux. Et bien sûr, invoquer pendant le moment où on est en sujoud. Voici Kabarakumba. Et donc, n'oubliez pas, Barakallahu fikoum, mais ça, je vais pas faire un test, mais je vais essayer de vous poser des fois des questions. Et franchement, répondez honnêtement et non pas, comment on appelle ça, on n'est pas dans le jugement ni dans la concurrence, non quoi que ce soit. C'est juste pour qu'on se rende compte que la science, encore une fois, elle a été révélée pour la pratiquer. Non pas juste pour s'embellir avec montrer qu'on a des connaissances et ainsi de suite. Donc, ce que je vous poserai comme question à un moment donné, c'est est-ce que tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant dans ce livre-là, vous avez pratiqué, vous avez essayé d'en faire au moins une fois depuis qu'on a commencé? Parce que c'est ce qu'on avait vu dans le début du livre, c'est ce qu'il disait, c'est que il faut au moins le faire une fois dans sa vie. C'est-à-dire ces invocations ou cette manière de faire qu'Allah nous a instruit, eh ben il faut au moins dans sa vie ou dans son rythme d'une manière générale qu'il essaye de se l'imposer ou de le pratiquer, même si c'est pas régulier. Donc je verrai inchallah avec le temps. Et le but encore une fois de ces invocations, c'est de comprendre finalement notre religion. Ce n'est pas que des adorations. En fait, c'est à travers toutes ces invocations, ainsi de suite, c'est de purifier son cœur, son esprit, son corps, et de renouer et de recréer ce lien avec son Créateur. D'être en accord avec le pourquoi de notre création. On sait très bien c'est quoi la cause de la base, ou du moins la sagesse de notre création, des hommes et des djinns et des hommes. Comme Allah le dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns et les hommes que pour m'adorer. Donc pourquoi on fait ça? C'est pour que justement on fasse ce qu'Allah a voulu en nous créant. Je ne sais plus si on faisait le fiqh avant ou l'aqidah. Je pense qu'on faisait le fiqh et on finissait par l'aqidah. Donc là, jurisprudence. La jurisprudence. On était sur le chapitre. C'est quel chapitre qu'on avait fini? Quel est le chapitre qu'on avait fini? Pour ceux qui étaient là, bien sûr. Le chapitre qu'on a fini dans le fiqh, c'est quoi? Reprenez vos notes éventuellement. Les récipients. Juste avant, on avait le chapitre des os. je l'ai expliqué. J'explique juste la méthodologie des savants. Alhamdoulilah, qu'Allah nous a donné un peu de connaissance et un peu de compréhension et on continue à essayer d'étudier autant qu'on peut. Donc il y a une chronologie dans les événements et ces livres de fiqh ou de manière générale, les livres de science ont un ordre chronologique. Et là, cet ordre chronologique, il a été défini parce que, je vous l'ai dit, avant de commencer n'importe quelle adoration, on passe par la purification, automatiquement. Donc, on a vu le chapitre qui concerne les différents types d'eau, E-A-U. Ensuite, cette eau, où est-ce qu'elle doit être? Elle sera versée dans un récipient. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est pas pareil, on fait couler l'eau, même si des fois c'est pas très bien de faire comme ça, mais malheureusement on a pris de mauvaises habitudes. Parce que pendant qu'on est en train de mettre de l'eau dans la bouche ou dans le nez, ainsi de suite, l'eau elle coule. On sait que le gaspillage et surtout l'eau, malheureusement, c'est pas terrible, enfin c'est pas bien. Donc voilà, on est en train de voir le chapitre des eaux, et dernièrement, dans le cours, on s'était arrêté sur Istiamel ou Kulli Aniyatin. Istiamel kulli aniyatin, Donc on était encore sur le bab tel awwal, le premier point, c'est yubah. On avait vu la règle qui fait partie des al-ahkam at-taklifiyya, entre dans usul al-fiqh. Et elles sont au nombre de 5. Le wajib, l'obligatoire, al-mustahab, recommandé, mubah, autorisé, makruh, détestable, al-haram, interdit. Donc ces 5, en fait, ces 5 points, la religion tourne autour de ces 5 points. Il y a des choses qui sont wajib, obligatoires, il y a des choses qui sont mustahab, recommandées, fortement recommandées, il y a des choses qui sont mubah, autorisées, il y a des choses qui sont makruh, détestées, il y a des choses qui sont haram. Donc à chaque fois, que les savants ils vont étudier des choses, ils vont les classifier dans ces... C'est comme si vous voulez, vous avez 5 colonnes, d'accord? Et dans ces 5 colonnes, en fait, par exemple, le wajib, on va mettre salat. Qu'est-ce qui est wajib? Al-salat, al-siyam, al-shahadatayn, al-zakat, al-hajj. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, al-mustahab, ce qui est préférable ou ce qui est fortement recommandé, par exemple, salat al-witr, la prière de l'witr du soir, ou la prière de al-subh, al-fajr. Je me corrige, la prière de l'Fajr, et ainsi de suite. Le Moubah, je vais donner des exemples parce que justement c'était le sujet, pourquoi il a parlé des Ahkam al-Taklifiyya. C'est Al-Moubah, c'est quelque chose de recommander, enfin d'autoriser. C'est-à-dire tu peux le faire comme tu peux ne pas le faire. Et ça ne change rien. Par contre, si elle est, on a dit, accompagnée d'une intention bonne ou mauvaise, et ben en fonction de ça, si elle est bonne, c'est récompensé. Si elle est mauvaise, tu mérites le châtiment. D'accord? Et donc, à la suite de ces règles, ou du moins de la phrase qu'on est en train de traduire, de traduire et d'expliquer, c'est « Yubahu isti'amalu kulli aniyatin ». Il est autorisé d'utiliser toutes sortes de récipients. Ok? فيجوز استعمال كل آنية سواء كانت كبيرة أو صغيرة. Donc فيجوز استعمال ça veut dire autorisé. يجوز ou لا يجوز. Donc يجوز استعمال كل آنية سواء كانت كبيرة أو صغيرة رخيصة أو ثمينة. Donc il est autorisé d'utiliser type de récipient, grand soit-il, petit soit-il, cher ou pas cher. C'est-à-dire que la chose elle coûte cher, ou le récipient qu'il coûte cher ou pas. Ça ne pose aucun problème. Les deux seules choses qu'on n'a pas le droit, c'est d'utiliser des récipients. On va le voir. لِأَنَّ كَلِمَةٍ كَلِمَةَ كُلْ مِنْ أَلْفَادَ الْعُمُومِ. Donc pourquoi on peut tout utiliser, base en fait. Mais ils se basent sur les termes. Et en fonction de ces termes-là, elles ont une signification dans la linguistique, ils ont une signification dans le shara. C'est deux choses différentes. Et donc, ils ont dit que elle est autorisée, c'est autorisé d'utiliser tous ces types de récipients parce que le mot kul, pourquoi ils ont dit qu'on a le droit? Parce qu'ils ont vu il y a le mot kul et le mot kul min al-fad al-umum. C'est un mot qui indique la généralité. Donc, ça veut dire que on peut tout utiliser. Qawluhu illa al-dhahab wal-fidda. Suite, on a dans cette même phrase, il a dit yubahu isti'mal kulli aniyati illa al-dhahab wal-fidda. On peut les autoriser d'utiliser tout récipient sauf ceux qui sont en or et en argent. On n'a pas le droit d'utiliser l'or et l'argent. Donc là, il est en train d'expliquer le cheikh qawluhu illa al-dhahab wal-fidda, sauf l'argent, non, l'or et l'argent. Likan lakin yustathna min dhalik aniyat al-dhahab wal-fidda fala yajuz istikhdamuha. Donc par rapport à ce qui a été cité juste au-dessus du fait qu'on a le droit d'utiliser toutes sortes de récipients, petits, grands, chers, pas chers, sauf, il a dit, yustatna, ça veut dire qu'il y a eu exception sur les récipients qui sont faits à partir de d'or et d'argent. Fala yajuz istikhdamuha, et il n'est pas autorisé, ou du moins, il n'est pas autorisé d'utiliser ces sortes de récipients. Et ensuite, donc là, on va voir un hadith. An Hudayfata ibn al-Yaman, c'est un compagnon, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tashrabu fi aniyati al-dhahabi wal-fidda, wa la ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fi dunya, wa lakum fi al-akhirah. Donc, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne buvez pas dans les récipients qui sont faits d'argent et d'or, et ne mangez pas non plus de tout ce qui est vaisselle, pareil, d'or et d'argent, car elle est pour eux, qui? Tous ceux qui ne sont pas musulmans, les mécréants, les athées, ainsi de suite. C'est leur parure, quelque part, dans cette dunya. Balakum fil akhira, et c'est ce qui vous reviendra, inshallah ta'ala, qu'Allah nous fasse rentrer ou nous fasse parmi eux, amin, parmi ceux qui vont être du côté de la des gens du paradis, amin. Donc il a dit, il le sera pour vous, yawm al-qiyama. D'accord. Donc, an Umm Salama. Oui, n'hésitez pas, subhanallah. Faut dire amine quand même. C'est pas gagné, hein. On a encore, on sait pas combien de temps à vivre et on sait pas comment on va finir. Donc, mais surtout qu'on sait que, non, Marie, amine. Parce que, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que, un hadith d'Aïcha radiallahu anha qui disait, je vous interpelle un peu tous, c'est juste histoire de mettre un peu de vie, un peu de vigueur et qu'on soit motivé aussi pour qu'on avance. Enfin, finalement, c'est pour ça. D'accord, c'est pas, je vous taquine pas ou je vous pousse pas à participer de tout ça pour vous embêter, hein. Donc Aïcha radiallahu anha disait quoi? Elle entendait souvent le dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait, pourquoi je t'entends dire souvent cette invocation? Et l'invocation qu'il disait souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ensuite, il récitait le verset, Rabbana la tuzigh qulubana, ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Donc, il récitait cette invocation qui disait, Allahumma ya muqallib al-qulub, oh Allah, toi qui détournes les cœurs, c'est-à-dire détourner cœur s'il le décide, mécréant à l'islam, de l'islam à la mécréance. Donc il dit, oh muqallib al-qulub, ثبت قلبي على دينك أو على طاعتك dans une autre version. Raffermis mon cœur sur ta religion ou dans une autre version sur ta sur tes adorations. Ala ta'atik sur ton obéissance. Et ensuite il récitait le verset Rabbana la tuzigh qulubana ou Allah ne dévie pas nos cœurs une fois que tu nous es guidés. Wa hab lana min ladunka rahma et enveloppe-nous de ta miséricorde innaka antal wahhab. Je ne traduis pas. Innaka antal wahhab. Donc voilà. Donc on voit très bien que personne ne sait demain où est-ce qu'il va. Comme Allah, enfin, il y a un verset justement où Allah dit وَلَا تَعْلَمُ نَفْسًا وَلَا تَعْلَمُ نَفْسًا أَيْنَ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et aucune âme ne sait où est-ce qu'elle va mourir. Donc, pourquoi on fait tout ça en fait? C'est pour avoir de plus de causes et d'éléments possibles pour qu'Allah il nous égare pas. Donc, Emin, il faut être très réactif. Donc, on va réciter un autre hadith. An Umm Salama, qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Amin, alladhi yashrabu fi ina'i al-fiddati, innama yujriju fi batnihi nar jahannam. Celui qui boit avec des récipients d'or ou d'argent, il, le jour du jugement, en fait, il sera torturé dans son ventre, en fait, de ce qu'il a bu par ce récipient-là. C'est-à-dire dans le jahannam, il sera torturé par cette chose-là. C'est-à-dire celui qui a bu avec ces récipients-là, il sera torturé yawm al-qiyama avec ça. عافني الله وإياكم من قال ابن قدامة. ابن قدامة c'est un ancien. Donc ce hadith en fait, oui, de toute façon les hadiths généralement, contrairement, je vais pas vous enquiquiner avec une autre question, mais contrairement au livre d'invocation qu'on a fait juste avant, il est autorisé d'utiliser des hadiths daif, faibles, ou qui sont pas authentiques et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tant que le sens il est bon et correct, parce que ça n'a pas d'impact concret sur des règles juridiques, tandis que al-fiqh ou al-aqida, on utilise, ou du moins les savants utilisent généralement des hadiths authentiques, ou après le degré d'authenticité, il y a, j'ai pas tous les cités, mais j'ai cité les grands, les plus grands. Donc on a comment on s'appelle le sahih, on a le subhanallah la hawla wa la quwwata illa billah, al hasan. Après il y en a d'autres en fait, al mutawatir, comment on s'appelle, hadith sahih gharib, hasan li ghayrihi, hasan li, ainsi de suite. Donc tout ça c'est des hadiths qui seront utilisés dans les fondements ou dans la aqida, parce que c'est des hadiths authentiques et on n'a pas le droit d'utiliser autre que ce type de hadith dans ces domaines-là, parce que c'est des domaines où il y a des jugements juridiques et il y a des sentences derrière. Donc hadithun sahih akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Là, on va voir une parole d'un savant qui s'appelle Ibn Qudama al-Maqdisi, ce sont des anciens. ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا. Donc il a dit, ça c'est dans son livre Al-Mughni. Donc il y a un livre qui s'appelle Al-Mughni. Bon, pour ceux qui aiment la science ou qui veulent continuer dans l'apprentissage, je vais vous donner les noms de livres. Al-Mughni, Lil Imam Ibn Qudamah. Mais le livre, il s'appelle Al-Mughni, l'imam, j'ai écrit l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Et dans ce livre-là, en fait, dans ce livre-là, en fait, vous allez avoir généralement tous les avis de toutes les écoles en fonction des sujets, de tous les sujets religieux. Donc lui, il a ramené ce consensus. Et donc ce savant-là, il est très très très connu et réputé. Il a dit il n'y a pas de divergence. Wala khilaf. Il n'y a pas de divergence bayna ashabina. Bayna ashabina, on va se rendre compte à un moment donné que la majorité des gens de science, ils sont forcément des savants dans le hadith. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui seront le plus fermement attachés à la sunna. Donc généralement, c'est tous des muhaddithin, des savants du hadith. Et c'est pour ça qu'il lui aussi dit wala khilaf bayna ashabina. Et c'est ce qu'on a vu dans le livre de Kitab al-Afkar de l'imam al-Nawawi. Il a dit وقال بعض أصحابنا. D'accord, vous commencez à voir un peu les termes qui reviennent. Il dit أن استعمال, il n'y a pas de divergence chez nos compagnons dans le fait d'utiliser les récipients d'or et d'argent, que c'est interdit, c'est haram. Donc là on voit qu'il y a un hukm taklifi. Là, ça rentre dans Al-Haram. Par l'exemple que j'ai donné là, des cinq colonnes, ben là, dans la colonne du Haram, on rentre Al-Fidda ou Al-Dhahab et l'argent. D'accord ? Peu importe, hein, de toute façon, là, il a parlé, là on est dans le cas des récipients, mais l'or et l'argent, ben, non. L'argent pour l'homme, c'est pas interdit, mais l'or, c'est interdit. Abi Hanifa, et ça, et cet avis-là, c'est l'avis de l'école de Abu Hanifa, de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i. Et il a dit wala a'lamu, et je ne connais pas de divergence sur ce sujet-là. Wala a'lamu fihi khilafan. وقد استثنى بعض أهل العلم شيئا آخر. Et il y a des savants, ou parmi certains savants, ils ont fait, il y a eu d'autres exceptions. Wahuwa عظمو وجلدو والأدمي. Donc les os, la peau, فلا يجوز اتخاذه أو استعماله آنية لأنه محترم بحرمته. Excusez-moi. لأنه محترم بحرمته. Donc il a dit, enfin du moins les gens de science ont rapporté d'autres exceptions d'un point de vue interdiction, c'est-à-dire que il n'y a pas que l'or et l'argent qui est interdit dans les récipients. Il y a aussi armo ou jildo, la peau et les os. D'accord? La peau des êtres humains, jildo l'adami. La peau des êtres humains, elle est interdite pour utiliser des récipients et armo et les os. Donc on n'a pas le droit de l'utiliser ni de le prendre comme pour le fabriquer, enfin pour fabriquer des récipients. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميتة ككسر حيا. Allah. De casser les os d'un mort, c'est comme si tu le cassais vivant. Ça, c'est un hadith. Sahih. C'est bien ça. Naam. C'est ça. Ça. Donc là, Aisha radiallahu anha, elle a dit que dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, Ahmed, Sahahahu, fi al-Irwa. Donc pareil, bon après là c'est un livre de hadith, je vais pas vous enquiquiner avec. De toute façon, les livres de hadith, je vais pas vous les marquer. Les livres qui sont pas forcément courants. Donc ce hadith est authentique. Et donc elle a dit, celui qui casse les os à mort, c'est comme s'il avait cassé vivant. Wa huwa ikhtiyaru Sheikh Ibn Uthaymeen. Et cet avis-là, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, a pris, ou du moins était de cet avis-là. On va s'arrêter ici. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Alors, on s'était arrêté la dernière fois sur qui. Aïna yustamad ilmu l'aqida madatu. Ouais, on s'était arrêté à ça, je pense. On n'avait pas fini, hein. Vous savez quoi, je me rappelle même. Je suis vraiment désolé. Là, normalement, je mets une sorte de marque et là, j'ai pas marqué. Il n'y a pas le livre, donc sinon, je te demandais. Si, juste un instant. Taïb, je sais où est-ce qu'on s'est arrêté. Je sais qu'on s'est arrêté au huitième et dernier point avant de commencer. Et là, je vais accélérer histoire qu'on rentre dans le vif du sujet. Thaminan, ma hukmu ta'lim ilm al-aqida. Huitième point. Quel est le jugement ou le statut de celui qui apprend la science de la croyance? Mais non, on l'a fait celui-là. Excusez-moi, on l'a fait. C'était qui se divisait en deux catégories. La première catégorie, c'était la science obligatoire, et la deuxième catégorie, c'était la science qui n'est pas obligatoire. Et ensuite, j'avais dit que j'allais essayer d'avancer un peu. Malheureusement, c'est pas fait. Je m'en excuse, j'ai aidé beaucoup de temps. Qu'Allah me facilite. Amine, à vous aussi. Alors, Al-Aqida, là, on rentre dans le vif du sujet. Bon, si vous voulez, pour ceux qui ont l'arabe, moi je pense que c'est ce que je vais faire un peu pour vous, peut-être vous aider. Pour ceux qui veulent au moins avoir la page en attendant. Donc. Clairement, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à mettre en place pour les cours d'arabe ou le Coran, mais enfin, c'est de vous y mettre parce que, encore une fois, demain, même si on n'a pas pu commencer, si on doit mourir, notre intention était là et Inch'Allah, la récompense est énorme parce que, à travers ça, Allah sait très bien ce que vous aurez cheminé et ce que vous aurez fait comme effort. Donc si c'était vraiment avec une bonne intention, c'est comme si que vous l'aviez accompli. Donc n'attendez pas, barakallahu fikoum, et bah, c'est un peu ça le but, hein. C'est qu'après à un moment donné, tout le monde soit autonome, et pourquoi pas après profiter les uns des autres. Aujourd'hui, peut-être que c'est moi, demain ça sera peut-être quelqu'un d'autre, et le but c'est quoi? C'est ça, c'est qu'on soit tous profitables les uns des autres. Les shayatrines, ils font leur da'wah. Le monde dans lequel on vit, ils font leur da'wah. Ils transmettent. Il y a leur propagande, leur endoctrinement, via différents outils, médias. Nous, il n'y a rien du tout, même entre nous. Même en famille. Et le pire, c'est que même en famille, il n'y a même pas de cette rahma. Par contre, c'est la porte ouverte aux shayatines. Après, on se demande pourquoi on a des problèmes de santé, problèmes de couple, problèmes de relations, problèmes dans sa tête, problèmes dans le travail, problèmes avec les voisins, problèmes avec les... Donc je fais la photo, je vous l'envoie, comme ça ceux qui veulent participer et en même temps ça m'aidera. sur quoi je me suis arrêté. Elle n'est pas bien la photo. Voilà, pour celui qui veut la photo, de la page qu'on va commencer, Inch'Allah. Alors, Al-Aqida, la croyance. Al-Aqida, wa fiha sittatu abwab. Elle a six chapitres, ou portes. Encore une fois, Al-Babu huwa al-madkhalu ila shay. Et Al-Bab, ça veut dire littéralement une porte. Là, en l'occurrence, c'est le chapitre. D'accord. Donc, chapitre, l'Aqida est composé de six chapitres. Le premier chapitre, c'est... j'espère qu'en fait, vous prenez des notes. Hein. Vous prenez des notes ou pas? J'ai dit en fait, ce livre-là, ce serait bien de prendre des notes, parce que je vais vous poser des questions, et c'est parce que c'est un sujet qui est très important, et ça serait une très grande gratification de la part d'Allah, pour moi, de savoir que j'ai pu vous donner, on va dire, quelques éléments qui vous ont permis déjà à éclaircir et à enlever certaines zones d'ombre. Celui qui peut répondre, c'est tant mieux. Après, je sais que des fois, on est dans des situations, on est dans des phases, c'est pas évident, mais le but, en fait, d'étudier, de se consacrer à ça, oh Allah, ça va vous libérer votre esprit, Allah va vous purifier vos saouis et ainsi de suite, il va faire en sorte que cette science, comme on l'a dit, c'est une science qui vient d'Allah, et surtout celle-là, elle est rattachée directement à Allah. Donc celui qui fait un effort ainsi de suite, Allah, en voyant ça, et comme ce qu'on est en train de suivre là maintenant, on est dans un majlis ilmi, dans une assise de science, et il a été rapporté que celui qui est dans ces assises-là, il est dans un khir, et c'est les meilleures choses sur terre, c'est-à-dire les choses qu'Allah préfère ou qu'il aime sur terre, c'est les mosquées et c'est les majalis ilmi, c'est les assises de science. Donc quand Allah il voit ça, des anges qui sont là, et il leur pose des questions. Bien sûr, Allah il le sait très bien, qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qui nous agace ou qu'est-ce qui nous perturbe ou qu'est-ce qui nous touche. Et donc à travers ça, Allah il nous donne. Et les anges, faut pas oublier que tant qu'on est dans ces assises-là, les anges sont là en train d'inscrire et en même temps en train d'invoquer pour nous. D'accord? Donc le but c'est quoi? C'est que ça dissipe un peu toutes ces choses qui sont finalement qui sont détenues entre les mains d'Allah. Donc en faisant ça quelque part, c'est une évocation. À travers ça, on demande indirectement qu'Allah il nous guide, qu'Allah il nous soulage, qu'Allah il nous améliore notre situation, qu'Allah il nous facilite des choses qu'on n'arrive pas à entreprendre, et ainsi de suite. Bien sûr, il nous pardonne, il nous élève, et qu'il nous rajoute de la science, et qu'il nous fasse rentrer dans sa miséricorde, et dans son paradis, Inch'Allah. Donc, faites ce que vous pouvez, le moindre effort, vous savez pas la place ou la grandeur auprès d'Allah, parce qu'Allah il n'a pas besoin de nos actions, il veut juste voir en fait qu'est-ce qu'on fait. Ah. Donc la première des choses, Babu al-Awwal, le premier chapitre, c'est al-Iman. Donc tout ça, ça va être détaillé, hein. Ça c'est des chapitres, ça veut dire que dans ce livre-là, ça va être, tout va tourner autour d'Allah, des anges, des livres, des prophètes, du jour dernier, d'après-destinée et du destin, bon ou mauvais. Et ça va détailler, Inch'Allah, ce sujet-là de l'aqida, et l'aqida qui est au nombre de 6. D'accord? Les piliers de la croyance sont au nombre de 6, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Ce sont deux choses différentes. D'un côté les piliers de l'islam, et d'un côté les piliers de la foi. Oui, c'est ça, les piliers de... Oui, c'est ça. Babu al-awwal, le premier chapitre, donc c'est al-iman billah. Le premier chapitre, c'est al-iman billah. Le deuxième chapitre, c'est al-iman bil malaika. Al-iman, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la foi en, encore, de croire en. Pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, il y a le troisième chapitre qui est al-iman bil kitab, la foi au livre qui ont été envoyés. Al-iman al-bab al-rabi'u, al-iman bir rusul. Chapitre 4, la foi au prophète. Al-bab al-khamis, al-iman bil yawm al-akhir. Chapitre 5, la foi au jour dernier. Al-bab al-sadis, le sixième chapitre, al-iman bil qada al-qadar. Le chapitre 6, c'est la foi en la prédestinée et le destin. Qawluhu wa fiha sittatu abwab. Donc maintenant, on va voir, c'est à peu près la même méthodologie que le livre de Fiqh, parce que c'est le même auteur. Qu'il a dit, il y a 6 chapitres. Et là, il va expliquer ces 6 chapitres. Du moins, il va expliquer ce mot-là. Wa fiha ستة أبواب. Il est composé de six chapitres. أي مجمل الأبواب التي يشتمل عليها علم العقيدة ستة. Ça veut dire la foi en la foi est composée de six piliers et ces six piliers sont d'un point ils sont sont évoqués d'un point de vue général global en dans en, une vue d'ensemble pas en détail. Et on va voir d'une manière globale ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que chaque sujet, par exemple l'iman billah, l'iman billah, si on recense tous les livres qui ont été écrits depuis les anciens jusqu'à maintenant, on finit pas. Pareil pour les livres, le chapitre la croyance sur les anges, pareil sur le chapitre sur les livres qui ont été envoyés sur les prophètes et ainsi de suite. Donc en fait ça c'est juste une introduction à la science de l'aqida pour que chacun ait les bases minimum qu'ils comprennent, parce que sa religion, les fondements de sa religion, ses actions ne seront comptabilisées qu'à partir du moment où ses piliers seront compris, appliqués, et qu'ils soient convaincus. Donc, ces six piliers, on va voir, ils seront vus d'une manière globale, générale. قوله الباب الأول الإيمان بالله. Donc là, on voit, il va prendre le premier chapitre, الإيمان بالله. يشمل الإيمان بالربوبية. La foi en Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la foi d'avoir la croyance dans la Seigneurie. الألوهية. الألوهية c'est l'adoration ou la divinité. D'accord? والأسماء والصفات dans les noms et les attributs. ووجود الله et la présence ou la pas la présence d'Allah mais qu'Allah est là, enfin qu'il existe. D'accord? N'hésitez pas à m'arrêter si vous ne comprenez pas ou si j'ai été trop vite. Donc Eshmil, c'est-à-dire il englobe. Le mot Yeshmil, ça veut dire la foi en Allah englobe la foi en la Seigneurie, la foi en la divinité, la foi en nous, les attributs d'Allah, et sans sa présence. Ou je n'aime pas, quand ça parle d'Allah, enfin des choses, j'aime pas traduire des mots comme ça, comme Oujoud Illah. Oujoud, ça veut dire la présence. Wajada, ça vient de quelque chose qui est présent. D'accord? Subhanahu wa ta'ala. Et l'imanu billah. الإيمان بالله c'est quoi? Donc là on a vu le premier chapitre que la foi en Allah, voilà ce que ça englobe. Ça englobe trois choses. التوحيد ou الإيمان بالربوبية, la foi et la croyance en la Seigneurie d'Allah, la croyance en la divinité d'Allah, la croyance en les attributs d'Allah. Maintenant on va voir والإيمان بالله. C'est quoi concrètement cette définition? التصديق والإقرار بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال. Donc c'est la véracité. C'est quoi la foi en Allah? C'est la véracité et la affirmation qu'il est lui Allah présent et qui s'est attribué, al-jalal ou al-kamal. D'accord? Al-kamal, j'aime pas traduire encore une fois ces mots al-jalal parce que ça revient directement à Allah et le sens il sera forcément un peu biaisé. Donc, sifatil jalal ou al-kamal. Al-kamal, c'est d'une manière globale, générale. D'accord? Ça veut dire que là, on va voir tout ce qui concerne Allah d'une manière globale et générale. Attention, il n'est pas en train de dire qu'on va voir tout ce qui concerne Allah et qu'on connaît tout d'Allah. Non, tout ce qu'Allah s'est comment s'appelle, nous a transmis à travers le Coran et la Sunna. D'accord ? Donc c'est pas on s'arrête à ça. Quand le cheikh il dit Wal Kamal dans son ensemble, c'est dans son ensemble de ce qui nous est parvenu. Pas personne ne prétend ni le Coran, ni la Sunna, ni les compagnons, ni les prophètes comprendre et connaître Allah dans son nafsiyan dans lui-même. نزه عن صفات النقص وأنه واحد حق الصمد. Donc, منزه et de purifier ou de nettoyer ou de débarrasser de tous les attributs de naqs, qui a un sens diminutif ou du moins que ça diminue de la grandeur et de la valeur d'Allah. Rapport à ses noms et ses attributs. Le fait de donner un sens à ses noms et ses attributs, t'es en train de diminuer de la grandeur d'Allah. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de le comparer à une créature. Et Allah ne se compare pas à une créature. Donc forcément, tu l'as rabaissé. D'accord ? Donc nous, on ne fait que affirmer ce qu'il s'est affirmé et on s'arrête là. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas le sens réel. Il nous a donné une partie d'explication, mais est-ce qu'elle est complète ? Non ? وأنه واحد حق. Il est le seul, il est la seule et il est le seul vérité. وأنه واحد حق. Il est le seul la vérité. الصمد. Franchement, vous savez quoi, je suis en train de lire un autre livre. Il fait à peu près 1500 pages. Il a développé le mot As-Samad. Il fait je sais pas combien de tomes. Donc c'est pour ça que des fois il y a des mots. Enfin, moi quand je dis ça, attention, c'est pas pour dire que je suis attention et ainsi de suite. On se comporte comme les savants se comportent. Donc eux-mêmes ils n'arrivent pas à traduire, à expliquer directement, mais ils vont amener plein d'explications pour essayer de se rapprocher réellement du sens Samad. Malgré tout, on est loin. Donc le mot Samad, c'est celui qui n'est pas dominé mais qui domine. En fait, les mots et les noms, les attributs d'Allah, j'aime pas les traduire parce qu'ils ont plusieurs sens en soi. Fardun khaliqun jami'ul makhluqat. Fardun, il est le seul créateur de l'ensemble de la création. Oui, bah oui, les noms et les attributs d'Allah, c'est plus que délicat parce que, quelque part, ça, indirectement, quand on le fait pas exprès, non. Mais celui qui prend de l'aisance dans ça, ça peut être de la mécréance, ça peut être de la mécréance, et ça veut dire qu'en fait, on ne met pas Allah à sa juste valeur, on ne l'estime pas à sa juste valeur. Alors on ne se permet pas de décrire des gens comme on décrit Allah. Et tu peux pas. Voilà. Donc نعم. متصرف فيها يشاء يفعل في ملكه ما يشاء. Donc متصرف فيها يشاء. Il fait, ou du moins il détermine ce qu'il veut. يفعل في ملكه ما يشاء. Ah oui. يفعل في ملكه ما يريد. Il fait ce qu'il veut dans son royaume et dans son royaume. انظر شرح الأربعين النووية لدقيق العيد. Donc celui qui veut aussi cette explication-là, il peut la trouver. Celui qui a la photo, tout en bas, il y a écrit la référence d'où il a tiré cette explication. والإيمان بالله هو التصديق والإقرار بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال. Et tout en bas, il écrit en fait le cheikh. Je lis le livre. Un instant. Donc ce livre-là, c'est Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya de l'imam محي الدين يحيى ابن شرف النووي. دونك تي كي لي كري لو ليفر الاربعين النوويه سي لو ليفر كون انطران دي لير او ديبي دو كور كتاب الاذكار سي لو كي سي لو ميم امام كي ايكري سو ليفر شرح الاربعين النوويه لي 40 حديث دو الامام النووي اي كي اون ايتي ترادوي كون ايتي اكسبليكي بار الامام ابن دقيق العيد. Ibn Daqiq al-Aïd, ce n'est pas un contemporain, hein, il fait partie des anciens parmi les gens de science. Alors, on va faire encore... Moi, je vais essayer d'accélérer, comme ça on va finir ce chapitre-là. Donc, قوله الباب الثاني, الإيمان بالملائكة. Le deuxième chapitre, on a vu, donc là on est en train de... Voilà. Vous voyez, on a cité les six points. Le premier point, globalement, généralement, il a donné un peu d'explication et après, ça va être détaillé au fur et à mesure des livres, du livre. Là, on va voir maintenant le deuxième point qui est « Al-Iman ou Bil-Mala'ikata », la croyance aux anges. « Yashmal al-Yashmal al-Iman Bil-Mala'ikati Ijmalan wa Tafsilan wa huwa khalq min khalqillah subhanahu wa ta'ala khalqahum min nur wa kallafahum بوظائف عظيمة وأعطاهم القدرة على تأديتهم. قوله الباب الثاني le chapitre 2 sur la foi. Alhamdulillah, j'essaie de faire en sorte de vous transmettre des informations qui vont pouvoir vous servir, donc notez-les. Nom des imams, les noms des livres, et ainsi de suite. Parce que ça va vous faire une bibliothèque. Vous allez voir que finalement, science, en fait, elle tourne autour de certains chouyours et certains titres, enfin, certains domaines, et on va sûrement revenir dans les uns, vers les uns et les autres. Donc, quand je vous demande d'écrire ou de trucs, c'est plus que pour que ça vous donne des bases et que vous ayez. En fait, après, ce qui vous manquera, encore une fois, ça sera l'arabe, tout simplement. Mais sinon, après. Quoi étudier, par quoi commencer et qui, ainsi de suite, bah vous saurez, puisque vous avez les bases. Hein, et c'est des bases qui sont, voilà, alhamdoulilah, connues, reconnues, réputées, personne ne diverge là-dessus. Al-Iman ou Bil-Mala'ikati Yashmil, la foi aux anges, elle englobe la foi donc aux anges d'une manière globale et détaillée. Wa huwa khalq min khalqillah, c'est une création parmi la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. خلقهم من نور الى ذكري à partir de lumière. وكلفهم بوظائف عظيمه, il les a enjoint ou il leur a donné une responsabilité énorme. Fonction des anges, parce qu'il y a différents types d'anges, hein. Si vous savez le nombre d'anges qu'il y a sur terre, c'est inimaginable. Dans chaque domaine, il n'y a rien. Bien sûr qu'Allah, il n'a pas besoin d'eux. Et Allah nous a mis, il nous a fait comprendre que les causes, on doit passer par les causes, on doit faire les causes. Donc Allah pourrait se charger de sa création tout seul. Et il a fait des causes. Qui, pourquoi, pour qu'on nous, on se rende compte que finalement, il nous l'a transmis, il nous l'a montré, il nous l'a expliqué. C'est que ça fonctionne avec les causes. Donc, ces anges, il y a des anges qui sont là pour détruire, d'autres qui sont là pour assister, d'autres qui sont là pour repousser le qadar de certains parce que c'est pas le moment, d'autres qui sont là pour faire pousser la végétation, d'autres qui sont là pour faire pleuvoir, d'autres qui sont là pour maintenir les montagnes, d'autres qui sont là pour maintenir les océans, d'autres qui sont là pour et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, il y a des anges partout, chez nous, devant, dehors, mais sans compter les anges qui sont là, les scribes, les anges qui sont là, qui parcourent la terre et qui cherchent les assemblées de sciences, et ils s'assoient jusqu'à ce que ceux-ci se lèvent, et à ce moment-là, ils vont parcourir la terre pour chercher d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, de façon, inchallah, on le verra. Et la foi en aux anges, c'est quoi ? التصديق والإقرار بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Donc c'est la foi et la croyance ferme et et l'affirmation bi'annahum qu'ils sont des créatures mukramoun, des nobles créatures, la yasbiqunahu bil qawl, et qui ne précipitent pas ou ne devancent pas la parole d'Allah, wa hum bi amrihi ya'malun, et toutes ses actions, c'est-à-dire toutes, en fait, quand Allah, avant même qu'Allah il donne un ange, Allah, quand il donne un ordre, tous les anges se mettent au garde à vous. Tous les anges, n'importe lesquels, c'est-à-dire en fonction de leur action, leur création, dès qu'Allah parle, tous les anges sont au garde à vous. Et ils ne font que ce qu'il a décidé. Dès qu'il décide une chose, ils se mettent tous à le faire. Ça, c'est la croyance qu'on doit avoir concernant les anges. Qawluhu al-bab al-thalithu al-iman bil-kitab. Troisième point, la foi au livre. Ay al-kitab allati anzala Allah subhanahu wa ta'ala ala rasulihi min ahli al-ard wa mashtamala alayhi min aqaid wa ahkam. La foi au livre, c'est de croire aux livres qui ont été envoyés, anzal Allah, qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala sur ses prophètes min ahli al-ard, qui font partie des gens de la terre, qui font partie de cette terre. Wa ma ijtamala alayhi min aqaid, et tout ce qui englobe la croyance. C'est-à-dire que ces livres ont été envoyés pour expliquer aux gens la croyance, parce que cette croyance-là n'est pas nouvelle. Cette croyance-là, étant donné qu'elle touche Allah, elle est commune à tous les prophètes. Tous les prophètes ont été envoyés pour transmettre la même chose, de croire en Dieu, de croire aux anges, de croire aux livres, de croire aux prophètes, de croire au jour dernier et de croire auprès à la destinée, bon ou mauvais. D'accord ? Donc ils sont descendus, ce livre, Allah les a fait descendre sur les prophètes, qui font partie des gens de cette terre, et qui englobe, donc les livres, dans les livres, ça englobe tout ce qui concerne la croyance. Donc la croyance, la première des choses, c'est quoi? C'est ce qui concerne Allah, et tout ce qui en découle, et wal-ahkam, et les règles juridiques, c'est-à-dire qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, si on fait ça, voilà ce qu'on a, si on fait pas ça, voilà ce qu'on a, et ainsi de suite. Ahkam, les jugements, c'est ça. Qawluhu al-bab al-rabi'u. Ça va, je vais pas trop vite? On a bientôt fini le premier chapitre, on a bientôt fini le cours. Ça va? Pour tout le monde? Tout le monde avec ses capacités, sa facilité, enfin, son niveau, ou sa présence. Il n'y a pas de nul, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de plus intelligent. C'est chacun est différent, chacun a un parcours voilà qui lui permet ou pas, et le but c'est de se stimuler, de se motiver, hein. Donc participez barakallahu fik, et ne restez pas en retrait. Et il y a une parole des gens de science qui disait: celui qui est trop timide ou exagérément, il n'apprendra jamais, parce qu'en fait tu n'oses pas. Et avant de connaître, on était bien ignorant. Avant de connaître, on était bien, malheureusement, des gens égarés. Jusqu'à ce qu'Allah, alhamdoulilah, nous ait guidés. Le but, c'est qu'on avance. Donc, à un moment donné, je vais essayer d'avoir une certaine cadence, parce que ça serait bien qu'on fasse d'autres, qu'on finisse déjà ceux-là qui sont quand même un peu consistants. Après, pourquoi pas dans d'autres livres, parce que j'étais, comme je dis, en train de préparer indirectement d'autres livres qui sont reliés à la croyance, comme et nous, les attributs d'Allah. Parce que là, on est en train de voir la croyance, on est en train de voir tout ce qui est rattaché à la croyance. Donc, la seigneurie, on va le voir. L'Ouluhiyya, c'est ce qu'on est en train de voir, la divinité, c'est-à-dire concernant les adorations. Et un chapitre que la majorité des gens ne connaissent pas et qui n'ont jamais étudié. Et je parle d'une manière générale, hein, et non les attributs d'Allah. Donc, si je vais trop vite, il faut m'arrêter, il faut me faire signe. Donc, barakallahu fikum, et on va continuer. Donc, quatrième chapitre, la foi au prophète. Qu'est-ce que ça signifie? Ay alladhi arsalahum Allah bit توحيده وبيان أحكامه. Donc la croyance au prophète, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de croire au prophète, tout été envoyé par Allah avec le tawhid, بتوحيده وبيان أحكامه, et le fait d'éclaircir ou de transmettre ses jugements ou sa législation. والإيمان بالرسل, et la foi au prophète. Là, on va prendre, le cheikh, il a tiré la parole du même livre de Ibn Daqiq al-Aïd, de Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya. Ça, normalement, ça rentre dans le programme de Tolab al-Ilm. Mercredi, Inch'Allah, j'ai vu que vous avez répondu pour certaines. Il manquait deux personnes, il manque, je crois, deux personnes. Et si c'est bon, ben, Inch'Allah, mercredi, on redémarre. Et après, ce livre-là, ce niveau-là, on va le voir. Et d'ailleurs, on va voir ce Sharh précisément. Inch'Allah. Alors, الإيمان بالرسل لفوه بروفيت هو التصديق والإقرار بأنهم صادق فيما أخبروا. C'est quoi la croyance au prophète? C'est la conviction et l'affirmation qu'ils sont véridiques. بأنهم صادق فيما أخبروا. Ils sont véridiques dans ce qu'ils nous ont informé. Anillah, de la part d'Allah, bien sûr, qui concerne Allah. Ayyadahum bil mu'jizat ad-dallat ala sidqihim. Allah les a soutenus avec des miracles pour confirmer leur véracité. Wa annahum ballaghu anillahi risalatah. Et ils ont transmis le message d'Allah. وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به. Et ils ont démontré ils ont explicité à ceux qui sont interpellés par les commandements d'Allah, qui est les djinns et les êtres humains, d'accord, ils les ont interpellés, donc ces gens-là, par ce que Allah leur a recommandé. وأنه يجب احترامهم, et il nous est obligatoire de les respecter tous. وأن لا يفرق بين أحد منهم, et nous ne faisons aucune différence entre eux. انظر, regardez, il y a écrit شرح الأربعين النووي لابن دقيق العيد. قوله, donc là, on va voir le cinquième chapitre. Al-Iman bi al-Yawm al-Akhir. Bon, je vais accélérer, parce qu'il est 23h, 20 passé. Ayyum al-Qiyama. Donc, la croyance au jour dernier, ou du moins dans l'au-delà, Al-Yawm al-Akhir, le jour de l'au-delà, c'est de croire au jour du jugement. Wa ma yashmil alayhi min ahwal azimatu. Et la hawala wa la quwwata illa billah. On essaiera de faire un chapitre aussi, ou un petit cours rapide sur ça, parce que c'est très très important. Et ça permet de à chaque musulman, en fait, de vraiment voir vers où il est en train de se diriger. Et on va, inchallah, essayer de trouver un sujet intéressant sur ça, sur qu'est-ce qui va se passer juste après la mort, dès qu'on est dans notre tombe, en fonction de chacun et de ce qu'il a œuvré, ce qui va se passer. Et jusqu'au jour où on va être tous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jour du jugement, la foi en jour du jugement, ça implique ce qui va se passer. Le jour du jugement, et tout ce qui concerne ce moment qui va être énorme, qui va être... C'est la deuxième plus grande fitna après le Messie Dajjal, c'est ce qui va se passer après Yom Al-Qiyam, pendant cette partie-là. C'est-à-dire quand on va basculer dans Alam al-Barzakh, dans le monde de l'au-delà, monde céleste, entre guillemets. Wa يبدأ من خروج روح الإنسان إلى دخول الناس الجنة أو النار. Donc, et ça commence par la sortie de l'être humain, ou la sortie de l'âme de l'être humain, et دخول الناس, et le fait que les gens rentrent au paradis ou en enfer. Donc le chapitre la croyance en l'au-delà, ça implique tout ce qui concerne يوم القيامة, depuis la tombe jusqu'au paradis ou en enfer. عافاني الله وإياكم منها. آمين. Et dernier point, on va s'arrêter là, inshallah. والإيمان باليوم الآخر. آمين. Et la foi au jour dernier, ça veut dire ça c'est un autre آمين. Là, c'est la parole encore une fois c'est une parole qui a été tirée du livre du Sharh de l'imam al-Nawawi, qui dit wa huwa at-tasdiq biyawm al-qiyamah, c'est la croyance ou c'est la véracité au jour du jugement. Voilà, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ça ne te fait pas changer ta vie, ta manière dont tu vis, qu'est-ce qui va te faire changer? C'est pour ça que ces points-là, finalement, l'ilm et ainsi de suite, c'est important parce que c'est ce qui permet de changer complètement de direction, parce que là, on sait qu'on rentre, on est en train de foncer droit sur un mur. Et tout ce qui concerne les phases après la mort. Le hashar, c'est le rassemblement. Le hashar, c'est quand on va se retrouver tous devant al-mizan. Les comptes devant la balance, devant le pont, devant le paradis, devant l'enfer. Donc, c'est aussi le moment où les gens seront récompensés et les gens pieux et les gens bons qui ont œuvré seront récompensés et les autres ne le seront pas. Ne seront pas récompensés. Seront châtiés. Et ceux qui ne seront pas récompensés, donc ils seront châtiés. Et c'est ce qui a été, relaté et transmis des gens de science. Ça, c'est ce qui a été traduit. Hein. Enfin, c'est ce que je peux. Qawluhu al-bab as-sadis, le dernier sujet. La sixième, le chapitre 6, la croyance al-qadar. القضاء والقدر الديستيني الى بريديستيني اي بان الله عالم كل شيء علم كل شيء c'est de savoir Allah connaît toute chose وقدره et qu'il l'a bien déterminé et destiné وكتبه في الالواح المحفوظ et qu'il l'a inscrit dans les tables gardées. Mais même ça, c'est des termes, subhanallah, quand on traduit en français, ça perd tout son sens. Vraiment, la langue française, c'est pas que je suis raciste, mais elle est vraiment pauvre. D'un point de vue ressenti des mots. Et on l'a traduit, c'est sûr, ça n'a fait aucun effet. Tandis que quand on entend Allah al-Mahfour, on a directement une image. Et ce qu'Allah a sous son trône. Allah al-Mahfour, c'est tout ce qui concerne le début et la fin. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a voulu, la première des choses qu'Allah il a créé, on l'a posé une question avant de finir. Je suis désolé, mais quelle est la première chose qu'Allah a créée? La première chose qu'Allah a créée? Non, la première des choses, non, son trône il l'avait déjà. Enfin, il avait déjà son trône. Mais comme Allah, il dit Wa kana arshuhu ala al-ma'a liyabluwakum. Et son trône était sur l'eau afin de vous éprouver. Et ensuite, non, quand je parle de créer, enfin, la première des choses, oui, si on part du principe que, à pas toute une création à part Allah, forcément le trône c'est une création. L'eau, c'est une création, mais je parlais plus dans le début en fait des des événements, ou du moins de la création des cieux et de la terre, des êtres humains, des djinns, ainsi de suite. Donc la première des choses effectivement qu'Allah a créé, c'est la plume, et il lui a dit Ktoubi, écrit. Donc il a parlé à la plume, il a dit écrit. La plume lui a dit qu'est-ce que je dois écrire. Et après Allah lui a dit écrit tout ce qui va se passer depuis le début jusqu'à la fin. Et donc la plume s'est mise à écrire tout ce qui doit se passer du début jusqu'à la fin, bien sûr, avec la science d'Allah. Ah, c'est ça. Et ensuite, une fois que tout a été écrit, que l'encre a séché, Allah l'a mis sous son trône. Donc, là, la première des choses, alhamdoulilah, vous avez ça commence à... on commence à avoir des petites ma'loumat qui rentrent. Alhamdoulilah. Wala yahadathu. Shay'un illa bi taqdirillahi subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien. Donc la croyance que chaque être humain, musulman ou pas, qu'on doit avoir, c'est qu'il n'y a rien qui se passe sans qu'Allah ne l'a écrit. Une goutte d'eau qui va tomber sur ton nez, par exemple. Ou une feuille, t'es en train de rouler à fond, il y a une feuille, enfin, on est en période, par exemple, d'automne, les feuilles, elles tombent, et subhanallah, il y a une feuille, ta vitre, elle est limite un tout petit peu ouverte, il y a une feuille qui rentre. Ça aussi, Allah, il l'a inscrit. D'accord? Il n'y a rien. Il n'y a pas une chose. Ton clignement d'œil, le fait que tu fasses des mouvements avec tes membres, ainsi de suite. Il n'y a rien qu'Allah n'a pas écrit et créé. S'il ne l'aurait pas créé, on n'aurait pas pu le faire. On n'aurait pas pu, par exemple, cligner des yeux. On n'aurait pas pu, par exemple, serrer les poings ou utiliser nos mains ou marcher, et ainsi de suite. Si on le fait, c'est parce qu'Allah l'a créé. On ne pourrait rien faire sans qu'Allah ne l'ait créé, cette chose-là. Parce qu'elle n'existerait pas. Et la création, il n'y a qu'Allah à qui ça appartient. Comme on a dit, « Ala lahul khalq wal amr » N'est-ce pas que à lui appartient la création et l'amr, comment ça s'appelle, le décret, ou de décréter. Alhamdoulilah, celui qui a une croyance comme ça, forcément, à un moment donné, les shayatines, ils sont ridicules. Quand ils sont là en train de nous menacer, ou en train d'essayer de jouer avec nous, oui, on va faire ci, on va faire ça, oui, sous condition que, alhamdoulilah, bon, je ne vais pas trop m'étaler parce que... Il est tard pour tout le monde. Je pense que tout le monde demain doit lever plus ou moins tôt. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense pour votre patience, qu'il vous augmente en degré, qu'il vous efface vos péchés, qu'il vous facilite dans vos affaires, dans les maux que vous vivez, qu'il vous les dissipe, qu'il les atténue, qu'il éloigne ceux qui sont là en train de ruser ou en train de perdre des stratégies. Et qu'Allah les éloigne à travers ce qu'on essaye de faire et qui nous améliore notre situation. Amin. À tous les musulmans, Inch'Allah, dans le monde. Amin. Et on finit sur ça, Inch'Allah. Wa idha arad Allah shay'an qala lahu kun fayakun. Et quand Allah veut une chose, il n'y a rien qui peut s'interposer à son décret parce que personne n'a le pouvoir ou ne décrète les choses. Le seul mot qu'Allah dit quand il veut faire une chose, il dit kun fayakun. Soit, au moment où il dit que, soit elle est déjà, aussi complexe soit-elle. Wa min amana bihadihi al-usul as-sittati fa huwa mu'minun haqqan. Et celui qui a la foi ou la croyance en ces six piliers, avec une croyance correcte, bien sûr. C'est un croyant véridique. Vous avez bien fait attention du mot. Les savants, ou même Allah, et bien sûr, c'est ce qu'il a aussi enjoint aux savants et aux prêtres et aux compagnons, ainsi de suite. Quand ils utilisent des termes, c'est des termes précis. S'il utilise, c'est que c'est un DE qui concerne la personne ou que c'est vraiment le cas. D'accord? Donc là, on sait très bien qu'on a des degrés dans la religion. Le premier degré, c'est l'islam. Ensuite, il y a l'iman et l'ihsan. Donc là, le cheikh, il dit, celui qui a ses six piliers, qui a foi en ses piliers, en ses six piliers, avec une foi correcte, il fait partie des croyants. Donc, Inch'Allah ou Ta'ala, il a passé le degré de l'islam. Donc, on est dans cette démarche-là, bi'idhnillah, qu'Allah nous facilite, à force de, au fur et à mesure qu'on va voir les détails de tout ce qui se passera dans le livre, Inch'Allah, ça sera chose qu'on va devoir croire, être convaincu, pratiquer, et bien sûr, corriger en nous ou autour de nous. Et on finira sur cette parole. Qal ibn Daqiq al-Aïd, le Sharh de al-Arba'in al-Nawawi, le Cheikh a dit, قال ابن دقيق العيد مذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حقا سواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة. Donc il a dit, celui ou du moins par la voix des salaf, selon la voie des salafs, et a'immat al-khalaf, et les grands imams qui nous ont passés, anna man saddaqa, celui qui a cru et qui a rendu véridique ces six choses-là, bihadihi al-umur tasdiqan jaziman, avec une croyance, une conviction ferme, mais vraiment ferme, la raïba fi, sans aucun doute, wa la taraddada kana mu'minan, et qui n'est pas en train de, à chaque fois en train de, ouais, mais attends, mais ça se trouve que, mais peut-être que, c'est-à-dire qu'il est dans le, il sait, mais en même temps, il n'est pas vraiment sûr. Et ça, généralement, c'est que quelqu'un qui n'a pas, étudie pas, ou qui lit pas, ou qui n'a pas un lien assez proche, en fait, avec le Coran, ou avec la sunna, ou le simple fait d'écouter les drous. Et surtout, bien sûr, pas des drous, histoire de passer le temps ou comment ça s'appelle, sur certaines ibadats. Non, c'est sur la croyance. Lui qui a accompli ces choses-là, وَلَا تَرَدَّدَ كَانَ مُؤْمِنًا حَقًّا, et qui n'est pas dans cette, c'est-à-dire dans cette turbulence de pensée ou de conviction, il est croyant, c'est un croyant véridique, سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ, même si de deux manières différentes, ou bien à travers barahin qati'atun, à travers des preuves explicites, ou an i'tiqadat jazimatan, ou avec une croyance dénouée de tout doute. Pardon. C'est fini, inchallah, pour ce sujet là et le prochain sujet, là, ça va être intéressant. On va rentrer un peu plus en profondeur de al-bab al-awwal, ma huwa al-iman billah. Qu'est-ce que, en détail, enfin, encore une fois, détail de ce qui nous est parvenu, la foi en Allah. Le premier chapitre qu'on va suivre, bi'idhnillah, la dimanche, c'est la foi en Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma afina fiman adait. Allahumma afina fiman afait. وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عديت ولا يذل من هديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان, اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.